Jean-Riche Pain, Le trésor des pauvres. Livre audio gratuit lu par Sabi pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Ceci est un petit conte de Noël pour les petits-enfants. Toutefois, les grandes personnes peuvent le lire et peut-être y trouveront-elles charme et profit. J'ai narré la chose pour les petits-enfants et j'ai pris soin de tirer la moelle de l'os pour les grandes personnes. Heureux si j'ai amusé les uns et fait réfléchir les autres. Il y avait une fois, par là, je ne sais plus dans quel pays, deux pauvres gens très pauvres, autrement dit qu'ils ne possédaient rien, mais rien de rien. Ils n'avaient pas de pain pour mettre dans la huche, ni de huche pour y mettre du pain. Ils n'avaient pas non plus de maison pour y mettre une huche, ni de champ pour y bâtir une maison. S'ils avaient eu un champ grand seulement comme une coiffe déployée, ils auraient pu gagner de quoi y bâtir une maison. S'ils avaient eu une maison, ils y auraient casé la huche. Et s'ils avaient eu une huche, sans doute que, par-ci par-là, en un coin d'elle, ils auraient pu trouver du pain. Mais n'ayant ni champ, ni maison, ni huche, ni pain, c'étaient en vérité de très pauvres gens. Ce qui leur manquait le plus, ce n'était pas tant le pain, mais bien souvent la maison. Car du pain, ils en recevaient assez par aumône, et même quelquefois un peu de lard avec, sans compter un coup de cidre. Mais ils auraient aimé jeûner toujours et se savoir chez eux, dans une maison où ils auraient pu allumer du bois mort et deviser devant les braises. Car ce qu'il y a de meilleur au monde, de meilleur même que manger, c'est de posséder quatre murs, sans lesquels on est une bête errante. Et les deux pauvres gens se sentirent plus pauvres que jamais par un triste soir de la veille de Noël, triste pour eux seulement, tandis qu'ils étaient gais pour tous les autres, qui ont ce soir-là du feu dans l'âtre et leurs sabots cachés dans la cendre. Comme ils se plaignaient entre eux sur la grande route dans la nuit noire, ils rencontrèrent un pauvre chat qui miaulait. C'était en vérité un très pauvre chat, aussi pauvre qu'eux-mêmes, car il n'avait que la peau sur les os et quasiment plus de poils sur la peau. S'il avait eu des poils sur la peau, sans doute que sa peau eût été en meilleur état. Si sa peau avait été en meilleur état, sans doute qu'elle n'eût pas collé ainsi sur les os. Et s'il n'avait pas eu la peau sur les os, sans doute qu'il eût été assez fort pour attraper les souris et ne point rester si maigre. Mais n'ayant pas de poils et avec la pauvre peau sur les os, c'était en vérité un très pauvre chat. Les pauvres gens sont bonnes gens et s'aident les uns les autres. Ceux-ci prirent donc avec eux le pauvre chat et ne songèrent même pas à le manger. Mais au contraire, lui donnèrent un peu de lard qu'on leur avait donné à eux par charité. Le chat, ayant mangé, se mit en marche devant eux et les conduisit à une vieille cabane abandonnée. Il y avait là deux escabeaux et un âtre, comme ils le virent par un rayon de lune qui disparut aussitôt après. Et le chat disparut avec le rayon de lune, si bien qu'ils se trouvèrent assis dans les ténèbres, devant l'âtre noir que l'absence de feu rendait plus noir encore. « Ah, si nous avions seulement quelques tisons, il fait si froid, et cela serait si bon de se réchauffer un brin en contant des histoires. » Mais voilà, il n'y avait pas de feu dans l'âtre, parce que c'étaient des pauvres gens, en vérité, de très pauvres gens. Tout à coup, deux braises s'allumèrent au fond de la cheminée, deux belles braises, jeunes comme de l'or. Et le vieux se frotta joyeusement les mains en disant à sa femme « Sens-tu la bonne chaleur ?»« Je la sens, » répondit la vieille, et elle allongea ses paumes ouvertes devant le feu. « Souffle donc dessus, » dit-elle, « les braises flamberont. »« Non, » dit l'homme, « elles s'useraient trop vite. » Et ils se mirent à deviser du temps passé, sans tristesse, parce qu'ils étaient ragaillardis par la vue des deux tisons si luisants. Les pauvres gens sont contents de peu, heureux de plus, et ceux-ci s'égayèrent largement à savourer le beau cadeau de feu que leur faisait le petit Noël, et le remercièrent de leur mieux. Toute la nuit, ils continuèrent à compter en se chauffant, sûrs maintenant que le petit Noël leur voulait du bien, car les deux braises brillaient toujours comme des louis, et ne s'usaient pas à brûler toujours. Et quand arriva le matin, les pauvres gens, qui avaient eu bien chaud et bien aise toute la nuit, virent au fond de la cheminée le pauvre chat qui les regardait de ses larges yeux d'or. Et c'était au reflet de ses yeux qu'il s'était si bien chauffé. Et le chat leur dit « le trésor des pauvres. C'est l'illusion.